matin, la honte a frappé à ma porte. C'était une vieille dame vêtue d'un gris anthracite, qu'importe. Elle m'a livré un récit et sa morale bien définie. J'ai mis deux clopes et un café pour capter qu'elle m'était destinée. J'ai pris mes rêves et un manteau, ma guitare, un cahier, un stylo pour fuir la réalité. J'ai déserté mon quartier, ma ville, mon pays, mes baskets, mon continent et ta planète. Me voilà donc dans l'espace, loin de la vieille, loin des menaces. Je croise une étoile pressée qui me dit qu'elle est rencardée dans un hôtel de bord de mer avec le frère de Jupiter, parti en voyage à Danos dans les faubourgs d'Uranus. Je me sentais toujours malhonnête, puis j'ai failli me taper une comète. Je suis donc parti dans le désert, comme Morrison, comme par hasard. Il faisait chaud, je me faisais chier, c'est beaucoup moins drôle sans buvard. Puis un Touareg m'a provoqué, il voulait acheter ma guitare. J'ai fait un tour en Australie, en Grèce, dans un énorme palais, en Espagne, en Hollande, en Turquie. Même une brocante dans le Pas-de-Calais, je trouvais toujours pas mon bonheur. La honte me traquait toutes les heures. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti en enfer au petit matin. Chez Lucifer, il me paye une ou 17 bières, 12 litres de rhum, un peu d'opium. J'ai pas fini mon dernier verre. J'étais complètement décalqué, perdu, avachi, arraché. Il était déjà 22h. J'ai fini par serrer sa sœur. La vieille vient sonner à ma porte. Elle me relivre son récit et sa morale bien définie. Je lui dis d'arrêter de me chercher, que je suis un mec franchement mal caché. Elle a osé insister, je l'ai giclé dans l'escalier.